Chapitre 40e. Ce n'était pas chez lui que le baron avait coutume de recevoir le colonel, c'était chez sa fille. En effet, c'était pour sa fille qu'il restait à la maison. Il était donc tout naturel que ce fût chez sa fille qu'il passât la soirée, dans cette pièce où le colonel l'avait été reçu dès le second jour de son arrivée à Paris, et qui, par ses dispositions comme par son ameublement, son aquarium, sa volière, sa bibliothèque de littérature et de musique, son piano, son orgue, ses chevalets, ses tableaux, ses objets de ménage, présentaient une si étrange réunion de choses qui juraient entre elles. Chaque fois qu'il arrivait, le colonel trouvait le baron assis dans un large fauteuil, devant une table sur laquelle était servi un plateau avec un cruchon plein de bière et de verre. Installé devant le piano ou devant l'orgue, Ida faisait de la musique pour son père, qui, renversé dans son fauteuil, les jambes posées sur un tabouret, suivait en l'air les dessins capricieux de la fumée de sa pipe. Il était impossible de voir à Paris un tableau de la vie de famille plus patriarcale. Évidemment, cette bonne fille serait un jour la meilleure femme qu'un mari pût souhaiter. En elle, tout se trouvait réuni, les talents les plus variés, et avec cela l'ordre, la complaisance, l'indulgence, la simplicité, heureuse d'un rien, heureuse surtout du bonheur qu'elle donnait. Quand elle disait « libre papa », sa voix était une suave musique, et il était impossible d'être plus gracieuse qu'elle quand, penchée devant son père, elle lui tendait un papier roulé pour qu'il allumât sa pipe. Où aurait-on trouvé à Paris une jeune fille qui aurait permis que son père fumât chez elle et la pipe encore? Pour elle, au contraire, cela était tout simple, elle ne pensait qu'au plaisir des autres, et pour son odorat, la fumée de la pipe paternelle ne pouvait que sentir bon. Quand le colonel entra chez Ida, celle-ci était au piano en train de jouer une sonate de Mendelssohn, et le baron, sa pipe allumée, était assis dans son fauteuil. Au bruit que fit la porte en s'ouvrant, Ida tourna la tête, mais le colonel lui fit signe de ne pas s'interrompre. Quant au baron, il ne bougea pas. On pouvait croire qu'il était absorbé dans une sorte de ravissement. Renversé dans son fauteuil, les yeux perdus dans le vague, il n'était plus assurément aux choses de la terre. Était-ce la musique? Était-ce le tabac qui produisait cette extase? Les deux, peut-être. Le colonel, sans faire de bruit, s'assit sur le premier siège qu'il trouva à sa portée et attendit que la sonate fût finie. Le dernier accord plaqué, Ida quitta vivement son tabouret et vint à lui en courant. « Vous êtes en retard, » dit-elle. « Voilà pourquoi j'ai joué cette sonate à papa. Voulez-vous que je la recommence pour vous ?» Le baron était enfin sorti de son état extatique. « Oui, dit-il, recommence, je te prie. Le colonel sera heureux de t'entendre, j'en suis certain. Mais très heureux, assurément. Tu as joué comme un ange. » Mais le colonel n'était pas en disposition d'écouter la musique avec recueillement, même quand c'était un ange qui était au piano. Il resta immobile sur son siège, n'écoutant guère et suivant sa pensée intérieure d'autant plus librement qu'il ne se croyait pas observé. Ida jouait. Le baron écoutait. Il était pleinement libre. Mais Ida, qui jouait de mémoire, jetait de temps en temps un regard de côté sur une glace dans laquelle elle suivait les mouvements de physionomie du colonel et voyait sa préoccupation. Quant au baron, par suite d'une heureuse disposition particulière dont l'avait douée la nature et qu'il avait singulièrement développée par l'usage, il pouvait voir ce qui se passait autour de lui sans paraître le regarder, si bien qu'il remarqua aussi, à l'air sombre et recueilli du colonel, qu'il devait être arrivé quelque chose d'extraordinaire. Cela troubla sa jouissance musicale, et au lieu d'écouter religieusement la sonate de Mendelssohn, il se demanda curieusement ce qu'avait le colonel. Quel nouveau danger avait surgi? Contre quoi, contre qui, fallait-il lutter et se défendre? Bien entendu, quand la sonate fut terminée, il n'adressa pas au colonel la question qu'il venait de se poser. Son principe, en effet, était qu'on questionne les gens toujours trop tôt, et qu'on a tout à gagner à les laisser s'expliquer eux-mêmes en les voyant venir. Si au moment de partir, le colonel n'avait rien dit, il serait temps encore de l'interroger. Il n'y avait qu'un péril à attendre. Plusieurs fois, dans le cours de la soirée, qui se passa assez tristement, Ida fit un signe furtif à son père pour lui montrer le colonel. Mais le baron répondit toujours en mettant un doigt sur ses lèvres. Tout à l'heure, il ne fallait pas ainsi être impatiente. Il avait vu que le colonel était soucieux, il le ferait parler. Mais il n'eut pas besoin d'en venir là. Ce qu'il avait prévu se réalisa, et ce fut le colonel lui-même qui prit les devants. « Voulez-vous me donner, monsieur votre père, pendant quelques instants ? » dit-il en s'adressant à Ida. « J'allais entretenir d'une affaire pressante, pour moi très importante. Je ne voudrais pas vous imposer l'ennui de l'entendre. C'est déjà bien assez de vous prendre, monsieur votre père. » « Il est de fait, dit-elle en riant, que les affaires devraient bien respecter les soirées. Elles prennent déjà les journées. Que nous reste-t-il ? Allez, messieurs, mais c'est un compte à régler entre papa et moi. Si demain j'ai besoin de lui pendant la journée, je ne gênerai certes pas pour l'aller trouver. » « C'est entendu, dit le baron, et tous deux sortirent pour passer dans le cabinet du baron. Lorsqu'il fut rentré, le colonel se retourna pour s'assurer que la porte était fermée. « Alors, c'est très grave ? Demanda le baron en souriant. « Très grave pour moi, et même jusqu'à un certain point pour vous. « Ah, mon ami, parlez vite, vous m'effrayez. » « Parlez vite, le colonel lui voulut, ne fût-ce que pour en finir promptement. « Mais pour parler vite, il faut bien savoir ce qu'on veut dire. « Et ce n'était pas son cas. « Jamais, au contraire, il n'avait été plus embarrassé et ne s'était senti plus hésitant. « Cependant, il ne pouvait pas reculer, il se décida. « Je pense, dit-il en parlant lentement, cherchant, choisissant ses mots, que mon assiduité dans votre maison vous a prouvé tout le plaisir que j'éprouvais à vous voir, ainsi que mademoiselle Lazarus. « Plaisir partagé, mon cher ami, dit le baron en mettant la main sur son cœur, soyez-en convaincu. Nos réunions ont été un vrai bonheur pour moi, aussi bien que pour ma fille. » Isolé à Paris, continua le colonel, n'ayant que quelques amis dont les plaisirs étaient quelquefois pour moi une fatigue, j'étais heureux de trouver une maison calme. Avec la vie de famille, acheva le baron. Dites-le franchement, mon ami, c'est là en effet ce que nous pouvions vous offrir. Et ce que vous m'avez offert avec une cordialité que je n'oublierai jamais. Le baron suivait ce discours avec anxiété, se demandant où il devait aboutir, et pressentant, au ton dont il était prononcé, à l'embarras qui se montrait dans le choix des mots, enfin, à mille petits faits résultant de l'attitude et des regards du colonel, que sa conclusion ne pouvait être que mauvaise. Ces paroles furent pour lui un trait de lumière qui illumina tout ce qui avait été dit d'obscur jusqu'à ce moment par le colonel, et en même temps le but encore éloigné auquel celui-ci tendait. C'était un adieu que le colonel lui adressait. Cela était certain et résultait jusqu'à l'évidence de cette précaution oratoire consistant à rappeler une assiduité pleine de plaisir, pour finir par cette protestation de n'oublier jamais ce qu'on lui avait offert. On n'oublie pas ce qu'on continue. Donc, le colonel ne devait pas continuer des relations dont il rappelait tristement les joies passées. Ainsi s'expliquait sa gêne. Il ne savait comment les rompre, ces relations, mais sa décision était prise, et il n'hésitait que sur la voie à suivre pour arriver à un but bien arrêté. De cela, le baron eut une perception claire et nette, comme si une indiscrétion l'avait mis au courant des secrets de pensée du colonel. Comment celui-ci en était arrivé là? Qui l'avait poussé? Il n'en savait rien, mais présentement, ce n'était qu'une question accessoire, qu'il serait temps d'examiner plus tard. Là n'était pas l'urgence. Instantanément, son plan fut tracé avec une sûreté de coup d'œil qui lui rendit sa présence d'esprit à un moment troublé. Le colonel avait fait une pause, comme s'il s'attendait à être aidé par le baron. Mais celui-ci étant resté silencieux, les yeux fixés sur lui, il continua. Ceci dit, et il fallait le dire pour qu'il n'y eût pas de malentendu entre nous, j'arrive à la partie difficile de la demande que j'ai à vous adresser, et pour laquelle, vous le voyez, je cherche mes mots sans les trouver. Le baron se mit à rire de son grand rire bon enfant. Comment, mon cher ami, vous cherchez vos paroles avec moi, et pour une demande telle que celle que vous avez à m'adresser? Allons donc. « Pourquoi ne pas parler tout simplement, franchement, sans détour et sans embâge ?»« Assurément, vous avez raison, » dit le colonel, surpris de cette gaieté. « Mais quoi ? Croyez-vous que je ne sache pas ce qu'il y a dans votre demande ? Vous savez, parbleu !»« Et vraiment, dans les terres où nous sommes, cela n'est pas bien difficile à deviner. Je ne suis pas un grand sorcier, ni un grand diplomate. Je suis un bon père, voilà tout. Un homme qui aime sa fille. » Et auquel l'amour paternel donne une certaine clairvoyance. Il se tut pour regarder le colonel avec une bonhomie pleine d'émotion. « Voyons, dit-il en poursuivant, si je ne m'étais pas aperçu depuis longtemps ce dont il s'agit, je ne serais pas le père que vous connaissez. » Contrairement à ce qu'avait fait le colonel, le baron parlait d'une voix forte et rapide de telle sorte qu'il était à peu près impossible de l'interrompre. Savez-vous ce que j'ai fait ? Lorsqu'il y a quelques mois, j'ai commencé à me douter de quelque chose. Non, n'est-ce pas ? Eh bien, je vais vous le dire, pour que vous compreniez ce que je suis et pour que vous me jugiez tout entier. Je me suis adressé à ma fille, là, tout franchement, directement. Je vois que ça vous étonne. Eh bien, cependant, je crois que je n'ai pas eu tort. Au reste, j'aurais voulu agir autrement, que je n'aurais pas pu. Quand on est franc, si l'on veut biaiser avec sa franchise, on ne fait que des maladresses. Maladresse de parole, et ce qui est plus grave, maladresse de conduite. Vous me direz que j'aurais pu m'adresser d'abord à vous. Cela est vrai. Mais avec ma fille, j'avais une liberté que je n'aurais pas eue avec vous. Je me suis donc adressé à elle et je lui ai dit « Ma chère fille, je ne suis pas soupçonneux et n'ai aucune des qualités d'un juge d'instruction ou d'un limier de police. Cependant, je vois autour de moi les choses qui me touchent au cœur. Je vois ce qui se passe, mais je ne sais pas quels sont tes sentiments. Et je viens à toi franchement pour que tu me les dises. Je dois vous confesser qu'elle était émue et troublée en m'entendant parler ainsi. Alors j'ai continué. Je ne désapprouve rien. Et avant tout, je dois te déclarer ce que tu sais déjà. Mais enfin, il est bon que cela soit nettement exprimé. Je dois te déclarer que j'ai pour le colonel Chamberlain la plus haute estime et la plus chaude sympathie. En un mot, c'est l'homme selon mon cœur. Je vous demande pardon de vous dire cela en face, mon cher ami, mais puisque telles ont été mes paroles, je dois les répéter sans les altérer. » Le colonel, qui tout d'abord et au premier mot significatif de ce discours avait voulu l'interrompre, écoutait maintenant, bouche close, se demanda avec stupéfaction ce que tout cela signifiait. Le baron poursuivit. « Maintenant que tu connais mes sentiments à l'égard du colonel, dis-je à ma fille, je te prie de me faire connaître les tiens en toute sincérité, en toute franchise. Vous pouvez vous imaginer quel trouble cette question directe lui causa. Je voulus alors venir à son aide. Ce n'est point une confession que j'espère de toi, c'est un mot, un seul mot, mais net et précis. Si le colonel Chamberlain me demande ta main, que dois-je lui répondre ? À ce mot, le colonel se leva, ou, plus justement, sauta de dessus le fauteuil qui l'occupait. « Et quoi ? S'écria-t-il, vous avez ? » Mais de la main, le baron, par un geste paternel et avec un bon sourire, lui imposa silence. « Je vois que cela vous étonne, mais je suis ainsi fait. Quand je veux savoir une chose, je ne trouve pas de meilleur moyen que de la demander tout naïvement. Si ma question vous surprend maintenant, elle ne surprit pas moins ma chère Ida. En parlant, je la regardais. Je vis son front rougir, puis son cou. Ses yeux s'emplirent de larmes. Ses lèvres frémirent, sans former des mots. Il détourna la tête. Mais presque aussitôt, relevant les yeux sur moi, et me lançant un coup d'œil qui me troubla moi-même profondément, tant il trahissait de joie et de bonheur, elle se jeta dans mes bras et cacha sa tête sur ma poitrine. Je n'insistai pas, vous le comprenez bien. Ce que je venais de voir était la réponse la plus précise que je puisse désirer. « Vous voyez, mon ami, que vous pouvez m'adresser votre demande sans crainte. Je l'attendais, et je suis prêt à y répondre. Oui, 100 fois, 1000 fois, oui. » Et comme le colonel se tenait devant lui, dans l'attitude de la stupéfaction, « Ce n'est pas quand je sais qu'elle vous aime que je peux dire non, n'est-il pas vrai ? Alors que le oui m'est si doux à prononcer. » Le colonel restait toujours immobile sous le regard souriant du baron. Alors celui-ci parut remarquer cette immobilité et cette stupéfaction. Son sourire s'effaça, et peu à peu, mais rapidement cependant, son visage prit l'expression de la surprise. « Et quoi ? Que se passe-t-il donc en vous ? Qu'avez-vous ? Pourquoi ce regard troublé ? Qui cause cette émotion ? Vous vous taisez, ah mon Dieu ! » Et le baron à son tour se leva vivement. « Voyons, mon ami, dit-il, mon cher ami, vous m'avez bien dit, n'est-ce pas, que vous aviez une demande à m'adresser ? Oui. » « Eh bien, alors c'est à cette demande que j'ai répondu. Que trouvez-vous dans cette réponse qui ne vous satisfasse pas ? Elle est à vous. Je vous répète que je vous la donne. » Le colonel, gardant le silence, baissa la tête. Le baron parut le regarder avec une surprise qui croissait de seconde en seconde. Tout à coup, il se frappa la tête et prenant le colonel par la main. « Cette demande, dit-il, sur votre honneur, répondez franchement, colonel. » Cette demande ne s'appliquait donc pas à ma fille ? Sans pitié, sans ménagement, sans circuit, un oui ou un non. Répondez, colonel, répondez !» je venais vous dire qu'en présence de certains propos qui couraient dans le monde et qu'en assiduité chez vous paraissait justifiée, je vous demandais à suspendre nos relations. » Le baron tomba affaissé sur son fauteuil, comme s'il venait de recevoir un coup de massue qui l'avait assommé. Il se cacha la tête entre ses deux mains. « Ah, mon Dieu, ma pauvre enfant !» Et à plusieurs reprises, il répéta ces trois mots avec un accent déchirant. Il était accablé. Bientôt, il redressa la tête et à plusieurs reprises, il passa ses deux larges mains sur son visage en les appuyant fortement comme pour comprimer son front. Puis, se levant et croisant ses bras, il vint se placer vis-à-vis du colonel à deux pas. « Et vous m'avez laissé parler ?» dit-il. « Ah, colonel !» Ce n'était pas de la colère qu'il y avait dans ses paroles. C'était une profonde douleur, un morne désespoir. « Moi, dit-il, j'ai mis à nu devant vous le cœur de ma fille. » Et de nouveau, sous la pression de l'humiliation et de la honte, il se cacha la tête. Un temps assez long se passa, sans qu'ils prissent ni l'un ni l'autre la parole. Le colonel ne savait que dire et le baron attendait qu'il commençât. Enfin, le baron se décida. « Qui aurait cru, dit-il, qu'une pareille douleur me viendrait de vous ?»« Ah, monsieur, vous auriez dû m'arrêter. Vous n'auriez pas dû laisser ma naïveté commettre cette faute. Ce n'est pas pour moi que je parle, c'est pour elle. Pourquoi, au premier mot, ne m'avez-vous pas fermé la bouche ? Mais il est trop tard, et tout reproche sur ce sujet serait inutile. D'ailleurs, c'est à ma faiblesse, à ma simplicité, que je dois tout d'abord m'en prendre. Peut-être n'avez-vous pas plus compris quelle serait la conclusion de mes paroles que je n'ai compris moi-même quelle allait être cette demande que vous m'annonciez. Je n'ai vu qu'une chose, ce que je désirais, et dans mon trouble de joie, j'ai voulu aller au-devant de vous, pour vous montrer que nous étions en communion d'idées et de désirs. J'étais coupable, mais aussi, comment imaginer que je pouvais me tromper ? Pour moi, cette assiduité dans cette maison dont vous parliez au commencement de cet entretien n'avait qu'une cause, votre tendresse, votre amour pour ma fille. En vous voyant avec elle ce que vous étiez, j'ai cru que vous l'aimiez, et tout père l'eût cru à ma place. Cet amour m'agréant, pour les raisons de sympathie et d'estime que je vous expliquais tout à l'heure, je vous ai attiré chez moi au lieu de vous tenir à l'écart. Vous connaissant comme je vous connaissais, je savais que vous ne pouviez avoir que d'honnêtes pensées. S'il ne parle pas, me disais-je, c'est qu'il est encore sous le coup d'une déception douloureuse. Ce que j'appelais en moi-même une sorte de veuvage moral. Et je comprenais très bien que vous voulussiez laisser s'écouler un certain délai avant de contracter un engagement. Ce délai écoulé, vous êtes venu à moi. Vous m'avez parlé d'une demande. Tout naturellement, je me suis imaginé qu'elle allait être ce que je désirais. Et avant que vous eussiez fini de la formuler, je vous ai répondu. Voilà quelle a été ma faute, grande, j'en conviens, et terrible par ses conséquences. Mais la vôtre, monsieur, combien plus grande encore et plus terrible ? Le colonel voulut répondre, mais le baron ne se laissa pas interrompre. En venant dans cette maison, n'avez-vous donc pas pensé, dit-il, aux propos que votre présence assidue auprès de ma fille susciterait dans le monde ? Qu'a dit le monde ? Que vous alliez épouser Mademoiselle Lazarus. Ces propos, je les ai entendus de tous côtés, et je ne les ai point hautement démentis puisque je les jugeais fondés. Vous-même, vous les avez entendus aussi. Vous venez de me le dire, et pour cela vous me demandez de suspendre nos relations. Maintenant, que va dire le monde ? Il dira que Mademoiselle Lazarus est abandonnée, comme l'a été Mademoiselle Belmonte, et il jugera l'une comme il a jugé l'autre. Quel avenir pour ma fille, je vous le demande. Voilà votre faute, monsieur. Croyez-vous que ces conséquences ne seront pas terribles ? Le baron se tut, mais presque aussitôt reprenant la parole. Ne me répondez pas. Nous ne sommes point en état de nous expliquer en ce moment. Vous réfléchirez de votre côté. Moi, je réfléchirai du mien. Et tous deux, en homme d'honneur, nous chercherons un moyen pour sortir de cette terrible situation. En attendant, je vous prie de ne pas interrompre vos visites et je vous demande d'être pour ma fille ce que vous avez été. Il ne faut pas qu'elle apprenne la vérité par un coup brutal. Elle en mourrait, ne l'oubliez pas. Je la préparerai. Nous chercherons, nous verrons. Je compte donc sur vous pour notre dîner de mardi. Vous viendrez ? Je viendrai. Quand le colonel se fut retiré, le baron rentra chez sa fille, se frottant les mains à se les brûler. « Eh bien, papa ? » dit Ida. « Eh bien, mon enfant, le colonel cherche en ce moment une bonne formule pour me demander ta main. »« Viens, que je t'embrasse. »